franceinter.com. Pour certains, c'était encore l'âge d'or de la guerre secrète. Une époque en noir et blanc, un temps où les choses étaient claires, l'adversaire, bien identifié, se trouvait à l'est et une frontière quasi imperméable séparait les deux mondes. Les maîtres espions, qui semblaient tout droit sortis d'un roman de John le Carré, jouaient une interminable partie sur cet immense échiquier que traversait le rideau de fer. Et parfois, lorsque les deux partenaires faisaient jeu égal, le patte se terminait dans la lumière glauque d'un pont qui séparait les deux mondes et où l'on procédait à un échange d'espions. Cette semaine, en écoutant M. Hic, j'ai eu l'impression qu'il voulait ressusciter cette époque révolue. Il m'en est fait conter une étonnante affaire qui s'est déroulée en France dans les années 60. Une histoire en clair-obscur où, comme dans les meilleurs récits d'espionnage, les traîtres ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Ajoutons, et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais l'un des anciens patrons de la DST, qu'à cette occasion, ce service est entré dans l'ère moderne du contre-espionnage, c'est dire l'importance de cette affaire pratiquement méconnue. Rends-moi grand d'une ville, grouille à la foule des saoulés, j'ai envie au hachoir. À moi sa grippe, des grappes de tyrans, des archanges aux blanches canines, qu'on me disperse. Je suis noir de monde, qu'on me dispense du son et le son, qu'on me dissipe. Ce vôtre des divans, de l'aorte à la carotide, circule des rumeurs à faire pâlir. Qu'on me disperse, je suis noir de monde, qu'on me dispense du son des leçons. On me distribue à tous les Jésus. Je voudrais t'aimer comme un seul homme. Arrêter d'inonder la Somme. Avoir l'amour en bandoulière. L'amour en bandoulière. Ses envies au hachoir. À moi sa grippe, des grappes de tyrans, des archanges blanches canines, tueur de mémoire à la conscience obèse, joue du varèse, comme disloque. Comme dispatch, qu'on m'évapore. Qu'on me disperse, je suis noir de monde. Qu'on me dispense du son des leçons. Qu'on me distribue à tous les Jésus. T'aimer comme un seul homme, arrêter d'inonder la Somme, avoir l'amour en bandoulière, l'amour en bandoulière. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un peu de théorie pour commencer, si vous le voulez bien. Traditionnellement, c'est valable pour tous les services de renseignement, on distingue deux sortes d'agents opérant à l'étranger. Il y a tous ceux qui disposent d'une couverture qui les protège. Un statut diplomatique. Oui, oui, enfin, ils travaillent dans une ambassade ou un organisme international qui leur confère d'ailleurs une protection diplomatique. Ce qui peut leur arriver de pire s'ils sont découverts, c'est d'être expulsés. Ouais. Et ils sont nombreux, ceux-là ? Bon, pendant la période de la guerre froide, on estimait que presque deux tiers des diplomates soviétiques étaient en fait des agents. Des agents du KGB ? Oui, ou du GRU, enfin le service de renseignement de l'armée rouge. Et vous croyez que ça a changé ? L'espionnage russe n'a pas cessé avec la chute de l'Empire soviétique. Et l'homme qui dirige aujourd'hui la Russie est un ancien du KGB, il ne faut pas l'oublier quand même. Alors l'autre catégorie d'agents, bon, ce sont ceux qu'on appelle dans notre jargon les illégaux. Il faut d'ailleurs noter que ce sont les Soviétiques qui les ont baptisés ainsi. Ouais. Alors, eux ne disposent d'aucune protection. Non, non, ils travaillent sans filet. S'ils sont pris, ils encourent les foudres de la loi du pays où ils opèrent. Et ils n'ont plus qu'à espérer d'être échangés avec d'autres espions. Par conséquent, ils doivent être particulièrement bien camouflés. Et avant de rejoindre le pays où on les envoie, ils subissent une longue, très longue préparation. Ouais. Pour confectionner leur légende, comme vous dites. Oui, c'est ça. On leur fabrique une nouvelle identité, une nouvelle biographie. Bien sûr, ils doivent se familiariser avec les us et coutumes du pays où ils vont être immergés. Autant dire que ça coûte très, très cher. Mais alors, puisque nous en sommes à la théorie, là, est-ce que les illégaux et les agents agissant sous couverture diplomatique remplissent le même rôle ? Non, non. Non, en général, un diplomate travaillant pour un service secret joue le rôle d'officier traitant. C'est-à-dire qu'il doit recruter des espions. Des taupes, quoi. Oui, des hommes ou des femmes occupant des fonctions dans des secteurs sensibles où lui-même ne peut pas pénétrer. C'est, si vous voulez, un collecteur d'informations et un animateur de réseau. Il en va tout autrement pour l'illégal. Sa mission, c'est d'infiltrer lui-même une entreprise ou une institution afin d'y recueillir des renseignements qu'il transmettra ensuite à sa centrale. Ouais. C'est donc un solitaire. Généralement, oui. Mais c'est très délicat à mettre en œuvre. Hein. Il peut éventuellement, lui aussi, constituer un réseau. C'est-à-dire recruter d'autres taupes qui, consciemment ou inconsciemment, vont travailler pour lui. Pourquoi est-ce délicat, ça ? Bah, dans le métier d'espion, la hantise, c'est le contact. Ouais, c'est-à-dire le contact entre un officier traitant et son agent. Oui, oui, car c'est à cet instant qu'il est vulnérable. D'où l'utilisation d'un certain nombre de méthodes sophistiquées, comme les boîtes à lettres mortes. Mais je dois me souvenir que nous en avons déjà parlé. Ah oui, souvent. Mais enfin, rappelons simplement que c'est l'histoire des boîtes à lettres, là, qu'il s'agit de déposer un message dans un endroit convenu à l'avance, une infractuosité, un trou dans un mur, etc. C'est ça, oui. Enfin, il faut aussi protéger la cachette par un certain nombre de signes. Des marques à la craie, par exemple, qui indiquent si la voie est libre ou pas. J'ajoute, et j'en aurais fini avec ce cours théorique, que l'autre hantise de l'espion, c'est la transmission des informations qu'il a recueillies. Pour l'agent diplomate, ce n'est pas très difficile. Oui, la valise diplomatique, oui, c'est ou ça. Les liaisons radio protégées entre l'ambassade et son ministère. Par contre, pour les illégaux, c'est plus dangereux, même si les techniques de transmission ont fait d'énormes progrès. Mais vous voulez parler des émissions radio flash, là. Oui, par exemple, des transmissions condensées et cryptées. En une ou deux secondes, vous pouvez envoyer votre message. Et ça complique la tâche des services qui sont chargés de surveiller les échanges radio. Parce que plus la transmission est brève, et moins il est possible de localiser la position de l'émetteur. Alors, après ce long, très long préambule, où voulez-vous en venir ? Vladislav Mroz, ce nom vous dit quelque chose ? Rien du tout, là. C'est pourtant celui d'un homme qui a beaucoup compté pour nos services secrets. Racontez, alors. Et si vous permettez, je vais commencer par la fin. Un soir d'octobre 1960... Monsieur Paul Prudhon regagne son domicile à Argenteuil. Et qui est-ce, là, ce monsieur Prudhon ? Bon, c'est un homme bien tranquille qui exploite une carrière située tout près de chez lui. Une carrière qui lui donne bien des soucis, parce que trop de banlieusards ont tendance à prendre ce lieu isolé pour une décharge. Et justement, ce soir-là, monsieur Prudhon aperçoit une auto, une 403, je crois, qui stationne sur le chemin qui conduit à sa carrière. Ah, il s'apprête à aller voir s'il ne s'agit pas à nouveau de gens indélicats. Bien évidemment, et en avançant sur la route, il distingue deux hommes près de la voiture. Mais dès que ces deux personnages l'aperçoivent, ils montent dans leur auto qui démarre en trombe. Furieux, Prudhon essaie de les poursuivre avec son propre véhicule, mais la 403 a pris de l'avance et il doit renoncer. Toutefois, au lieu de rentrer chez lui, il veut aller voir ce que les deux personnages ont certainement jeté dans sa carrière. Il n'y a aucun doute, là. Non, je vous l'ai dit, il est excédé. Donc il revient à la carrière et là, il a la plus grosse surprise de sa vie. Car c'est d'un cadavre que les deux mystérieux personnages se sont débarrassés. Alors, j'imagine que M. Prudhon, passe la main à la police. Forcément. Ce cadavre est celui d'un homme d'une trentaine d'années qui a été tué de 3 balles de 7,65 tirées dans la nuque. Mmh. Ça ressemble à une exécution perpétrée par des professionnels. Oui, en tout cas, il ne s'agit pas d'un crime crapuleux, car la montre et le stylo en or de l'individu n'ont pas été volés. Mmh. Et avait-il des papiers sur lui, là ? Des lettres, des factures et un journal polonais. Suffisamment, en tout cas, pour permettre à la police de l'identifier rapidement. D'origine polonaise, l'homme s'appelle Władysław Mróz. Il est photographe et habite Épinay-sur-Seine. Mais c'est pas très loin d'Argenteuil, ça. Oui, et marié à une Française, il est père de 2 enfants. La police établit aussi que cet homme menait une vie particulièrement tranquille. Tous les matins, à la même heure, il empruntait un bus pour la gare d'Argenteuil. Puis il prenait le train, direction Saint-Lazare. Il gagnait ensuite le magasin de photos où il était employé. Et à 20h, il était de retour chez lui. Rien de bien mystérieux, donc. En tout cas, rien qui puisse apparemment expliquer son assassinat. Et pourtant, quelques jours plus tard, la presse annonce avec des gros titres que cet homme tranquille était en réalité un espion de l'Est et qu'il était à la tête d'un important réseau tout juste démantelé par la DST. Mmh. Mais ça n'expliquait pas pour autant son assassinat. Hein. Vous avez raison. Alors essayons d'y voir plus clair. Disons-le tout de suite, il y avait dans l'information donnée par les journaux une part de vérité. Mais une part seulement. Alors laquelle ? Mróz était vraiment un espion de l'Est. Mais le reste, c'était un rideau de fumée soigneusement établi par notre service de contre-espionnage. Alors d'abord, voyons qui était ce petit photographe sans histoire. En Pologne, Mróz travaillait en effet pour les services secrets de son pays, précisément pour la sécurité d'État. Et qui faisait-il ? Noté comme un très bon élément, il avait d'abord été le secrétaire du patron de cet organisme. Puis il était monté en grade et avait rempli plusieurs missions en Grande-Bretagne et en Israël sous couverture diplomatique. Mais il y avait eu un accroc, un transfuge polonais. Mikhail Kolonievski avait révélé aux services occidentaux que le diplomate Władysław Mróz était en réalité un capitaine des services de la sécurité d'État polonaise. Mmh. Et justement, les Polonais l'ont-ils appris ? Oui, très vite. N'oubliez pas qu'à l'époque, un certain Philby occupait de très hautes fonctions au MI5, le contre-espionnage britannique. Philby a donc dû prévenir aussitôt le KGB qui a ensuite répercuté l'information à son homologue polonais. Mmh. Et à ce propos, une question, là. Les services secrets polonais, comme les autres services des pays de l'Est, étaient-ils entièrement inféodés au KGB ? Bien entendu. Les Polonais n'avaient pas de secret pour les Soviétiques. Mais l'inverse n'était pas toujours vrai. En fait, pour simplifier, les Soviétiques considéraient que les services des pays frères, comme on les appelait à l'époque, étaient des satellites qui travaillaient à la demande pour eux. Mais c'était seulement à Moscou qu'on centralisait les renseignements obtenus. D'accord, j'ai compris. Donc, à Varsovie, on apprend forcément que Mróz est grillé. Oui, et en conséquence, le capitaine s'attend à ne plus se voir confier de mission en Occident. C'était en effet plus prudent. Hein. Et pourtant, quelques temps après, en 1959, Mróz va être autorisé à se rendre en France. Et sous son vrai nom encore. Yeah. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Il existe très peu de documents sur ce Vladislav Mroz. Alors, avant d'aller plus loin avec M. X, revenons sur ce qu'il disait au début de cet entretien. Selon lui, il y aurait deux types d'espions, les faux diplomates et les illégaux. Mais en feuilletant un livre d'entretien entre Marcel Chalet, ancien patron de la DST, et Thierry Volton, les visiteurs de l'ombre, j'ai découvert une troisième catégorie, les agents dormants, je cite. Parmi les illégaux, certains sont envoyés en mission pour simplement s'implanter dans le pays visé en prévision d'événements ultérieurs. Ce sont des agents dormants, inactifs pendant un certain nombre d'années. Ils se contenteront de maintenir un contact d'entretien avec leur centrale à des dates très espacées. Ces agents ont une idée assez précise de ce que pourrait être leur futur objectif. Pour cette raison, ils s'implantent dans des zones stratégiquement intéressantes. En principe, ils sont prévus pour être activés en cas de tension entre l'État d'accueil et celui qui les a envoyés. Leur mission peut même être, à la limite, de rester sur place après un conflit, par exemple. Les conditions qui auraient pu faire activer ces agents ne se sont heureusement jamais réalisées. Et quand Volton demande à son interlocuteur si la DST a déjà découvert des agents dormants de ce type, l'ancien chef du contre-espionnage répond « Oui, c'est arrivé ». Sans entrer dans les détails, car la matière est délicate. Dans certains cas, je peux toutefois préciser que nous nous sommes demandé si, non seulement en France, mais dans plusieurs pays, certains de ces agents n'avaient pas été, en quelque sorte, donnés pour capter notre attention et du coup, nous empêcher d'en trouver d'autres en activité. Et justement, dans l'affaire Mroz, M. X s'est posé la question. L'entrée en France de ce Polonais convaincu d'espionnage, n'était-elle pas une simple manœuvre des services spéciaux de Varsovie ? Alors comment expliquer que cet espion grillé vienne en France sous son vrai nom ? C'est en effet assez incompréhensible. Et ça peut apparaître à première vue comme une énorme bêtise. Mais les services de l'Est ne nous ont jamais habitués à les voir commettre de telles erreurs. Il faut donc chercher autre chose. D'accord, mais quoi ? Bon, il faut envisager plusieurs hypothèses. Je vous ai dit que Vladislav Mroz avait été démasqué par ce transfuge passé à l'ouest et que son employeur avait été alerté. Mais lui-même, Mroz, le savait-il ? Attendez, où voulez-vous en venir, là ? Un agent grillé, pour reprendre votre expression, est un agent devenu inutile. En l'envoyant chez nous, les services polonais pouvaient tenter une manœuvre de diversion. Pendant que notre contre-espionnage s'occuperait de lui, il pourrait se livrer à d'autres activités ou même sauver d'autres agents en difficulté dans notre pays. Des espions plus importants. Mm-hmm. Oui, mais c'était le cas. Oui, oui, nous y viendrons un peu plus tard, si vous le voulez bien. Dans le même esprit, on pouvait envisager une hypothèse encore plus cynique. Les Polonais auraient pu avoir envie de se débarrasser pour une raison ou une autre de cet officier. Oui, en l'envoyant chez nous, il ne manquerait pas de se faire arrêter. Hein. Je veux bien, mais enfin... Je croyais qu'à l'Est, dans ces années-là, il y avait des moyens beaucoup plus radicaux pour liquider quelqu'un. Certes, mais le régime communiste polonais avait évolué. C'était la déstalinisation. Il devenait d'autant moins facile d'éliminer purement et simplement un élément gênant. Ouais, vous ne manquez pas d'imagination, mais je vous signale que tout ça n'explique pas l'assassinat de Mroz. Alors laissez-moi envisager une troisième hypothèse. D'accord, allez. Sans doute plus vraisemblable. Je l'espère, parce que, disons franchement, pour l'instant, je vous avoue que je ne suis pas très convaincu. Hein. Parfait. Alors, écoutez, Vladislav Mroz, agent de l'Est bien identifié par les services occidentaux, franchit le rideau de fer. Il ne fait nul doute qu'il sera rapidement repéré. Ouais, d'autant qu'il n'a même pas changé de nom. Oui, alors peut-être prendra-t-il lui-même l'initiative de se signaler. C'est-à-dire de se présenter lui-même, de lui-même, au service de contre-espionnage ? Pourquoi pas ? Ça voudrait dire que Mroz choisit la liberté, comme on disait autrefois. Oui, dans ce cas, il devient un transfuge dont les précieuses informations vont être exploitées par nos services. Nous sommes d'accord. Oui, là, certainement. Là. Bon. Mais si Vladislav Mroz a été envoyé sciemment à l'ouest par ses employeurs polonais, l'affaire prend un tout autre aspect. Dans ce cas-là, Mroz devient un faux transfuge chargé d'intoxiquer nos services de contre-espionnage. Mmh. Et votre avis ? Bon, j'essaierai de vous le donner, mais attendez un petit peu. Car décidément, rien n'est clair dans cette affaire. Il y a ce point, en particulier un point très important. Comment Vladislav Mroz est-il entré en contact avec notre service de contre-espionnage ? Bref, a-t-il été arrêté ou s'est-il présenté lui-même ? Mais si je reprends votre hypothèse là, du faux transfuge, il était plus crédible d'attendre que les policiers de la DST viennent à lui. Ce qui serait arrivé forcément tôt ou tard. C'est exact. Mmh. Mais en l'occurrence, d'après ce que je sais, c'est Mroz qui a pris l'initiative de venir frapper à la porte des autorités françaises. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? bien ça renforce la thèse du type qui choisit de faire défection et de passer à l'ouest. Toutefois, ces affaires sont toujours un casse-tête pour les services de contre-espionnage. Comment peut-on juger de la sincérité d'un homme qui affirme vouloir trahir son pays ? Il y a d'abord la qualité des informations qu'il vous donne. C'est juste, mais au beau milieu d'un si joli bouquet, peut se trouver une fleur vénéneuse. On a déjà vu des services de l'Est nous donner de bonnes informations et même sacrifier des agents pour nous faire passer une seule fausse information capitale pour eux. C'est dire que le traitement d'un transfuge est toujours un exercice très délicat. Bah, les Américains, eux, utilisent le détecteur de mensonges. Oui, enfin, ils croient dur comme fer à son efficacité, mais sur ce point, ils ont tort. Car un homme bien entraîné peut passer à travers les mailles du filet. Et nous le savons, les agents que les Soviétiques envoyaient à l'Ouest avaient souvent subi ce genre d'entraînement qui consiste essentiellement à apprendre à maîtriser ses émotions. Non, non. Non, je crois plus aux vertus de la psychologie, de l'observation et de la patience. Très bien. Alors, revenons à Mrose. Hein. D'après vous, il se présente donc à la DST ? Non. Il opère plus subtilement. Plus subtilement, c'est-à-dire que vous ne croyez pas que c'était un vrai transfuge. Attendez, pour tirer des conclusions, vous voulez toujours aller trop vite. D'accord, mais je vous écoute, allez-y. Bon, Vladislav Mrose se rend à la préfecture de police de Paris et il y dépose un dossier de demande d'asile politique. Ah oui, je vois, et son nom fait tilt, si je puis dire. Oui, oui, d'autant qu'à la préfecture, il existait alors une section des renseignements généraux qui s'occupait d'affaires d'espionnage. Donc, on s'intéresse aussitôt à ce Mrose, dont on sait parfaitement que c'est un agent des services polonais, et son dossier est transmis à la DST. Oui, hein. Et Mrose ne fait aucune difficulté pour reconnaître qu'il est capitaine de la sécurité d'État polonaise. Alors, on lui propose de faire défection ? Non, surtout pas. Qu'il soit un vrai ou un faux transfuge, il est plus intéressant pour la DST qu'il continue à entretenir des relations avec son service. Donc, il est mis en observation. Et on s'occupe de pourvoir à ses besoins matériels les plus pressants. On lui trouve un logement, un travail. Mmh. Dans un pareil cas, les Américains, par exemple, ne l'auraient-ils pas mis au vert pour le débriefer et le protéger ? Sans doute. Mais c'était aussitôt signalé aux Polonais qu'il était passé de l'autre côté du mur. Fallait donc prendre le risque de le laisser dans la nature. En le surveillant, quand même. Et en exploitant les renseignements qu'il était susceptible de donner. Avec la méfiance qui s'impose, bien sûr. Mais qu'attendait-on de lui ? Officier, Mrose pouvait d'abord livrer des informations très précieuses sur l'organisation des services polonais. En outre, c'est évident, il devait savoir s'il existait des réseaux d'espionnage polonais sur notre sol. Et s'il les dénonçait, il donnerait ainsi une bonne indication sur son degré de sincérité. À condition naturellement que les taupes qui l'aideraient à démasquer soient du gibier de premier choix. Mais là encore, il fallait agir avec la plus grande prudence. Oui, je vois, pour ne pas le brûler. Bien entendu. Alors, est-ce que Mrose a vraiment contribué à la découverte de réseaux ? Incontestablement. Depuis longtemps, le contre-espionnage savait que les services polonais disposaient en France d'un important chef de réseau dont le nom de code était Armand. Quelques années plus tôt, les hommes de la DST avaient même cru l'identifier. En effet, en surveillant un diplomate soupçonné d'appartenir au service secret polonais, ils avaient surpris un rendez-vous furtif entre cet homme et un inconnu. Un inconnu qui n'est pas resté longtemps. Non, la DST a organisé une filature et les policiers ont découvert qu'il s'agissait d'un certain Hermann Berthelet, un libraire de banlieue. Mmh. Hermann, Armand, c'était tentant de faire le rapprochement. N'est-ce pas ? D'autant que le passé politique de ce libraire était très intéressant. D'origine autrichienne, cet ancien des brigades internationales avait été militant communiste. Et pendant la guerre, il avait fait partie d'un groupe de FTP. À la Libération, il avait choisi de demeurer en France et il avait été naturalisé. Mais il était toujours communiste ? Non. Et détail curieux, cet ancien communiste vendait des ouvrages religieux dans sa librairie. Peut-être pour donner le change. Pourquoi pas. Ce Berthelet a donc été mis sous surveillance. Mais l'homme était habile. Il a dû se rendre compte qu'il était surveillé et il est parvenu à déjouer les filatures dont il était l'objet. C'était louche, quoi. Certainement, ouais. Mais ça ne suffisait pas à l'incriminer. Ce qu'attendaient les hommes de la DST, c'était de le prendre en flagrant délit. Un nouveau contact avec un diplomate polonais. Et une livraison de documents, par exemple. Mais jamais on n'a pu le coincer. Et de guerre lasse, après plusieurs années de filature, les policiers ont fini par renoncer. Mais soudain, en 1959, il se décide à perquisitionner la librairie et l'appartement de Berthelet. 1959, c'est l'année où Mrose arrive en France. Et croyez-moi, ce n'est nullement une coïncidence. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X, rediffusion. Je reviens une nouvelle fois au livre d'entretien de Marcel Chalet et Thierry Volton, Les visiteurs du soir. L'ancien patron de la DST y analyse les difficultés des services secrets face à un homme qui prétend faire défection, mais qui est en réalité un faux transfuge. Je le cite. « S'il fallait les classer dans un ordre de nocivité décroissante, il faudrait mettre en tête ceux qui font surface peu de temps après l'arrivée d'un important transfuge qui, lui, avait beaucoup de révélations à faire. Ce transfuge numéro 2, appelons-le ainsi, a pu être formé dans le but de discréditer le transfuge numéro 1 en apportant au besoin pour convaincre les services de contre-espionnage qu'il va rencontrer des informations véridiques, vérifiables et si possible importantes. Ces renseignements accréditeront son authenticité et sa loyauté. C'est le prototype même du transfuge dangereux. Toutefois, si l'on parvient à percer son jeu, il peut devenir utile. En pareil cas, le transfuge numéro 1 s'en trouve valorisé et l'opération permet de démasquer les intentions obscures de l'adversaire en offrant une occasion remarquable de voir ce qu'il a dans la tête et de déterminer ce à quoi il attache de l'importance par rapport à d'autres informations plus secondaires. En somme, c'est un moyen de pénétrer l'adversaire à rebours. Ces opérations sont intellectuellement fascinantes. Se faire la main sur les transfuges est l'un des exercices favoris des membres du contre-espionnage. Le livre de Chalet-Volton a été publié par Grasset. Qu'a donné cette perquisition là, chez ce libraire Hermann Berthollet ? Eh bien, la moisson a été très fructueuse. Les policiers de la DST ont découvert une panoplie de parfaits espions. Poste de radio pour capter les ondes courtes, code de déchiffrement, carbone blanc, enfin, j'en passe. Mmh. Hermann était donc Armand ? Oui. Et d'après vous, c'est Vladislav Mroz qui l'a donné ? Ça ne fait aucun doute. Mmh. Berthollet a avoué, au fait ? Il lui était difficile de faire autrement, mais en agent expérimenté, il a essayé de minimiser son rôle. Il a prétendu qu'il ne servait que de boîte aux lettres. Mmh. Et est-ce que ça a débouché sur d'autres arrestations ? Oui, car Berthollet était le pivot d'un réseau qui espionnait essentiellement l'OTAN, dont le siège était alors à Paris, et des installations militaires françaises. Alors, effectivement, de nombreuses taupes ont été démasquées, des ingénieurs en particulier. Et notez-le bien, l'un des derniers à être arrêté l'a été 10 jours avant l'assassinat de Vladislav Mroz. Qui ? Un aristocrate d'origine hongroise qui avait d'abord travaillé à l'arsenal de Toulon, mais qui avait été surpris en train de photographier des documents secrets. Licencié, il s'était reconverti dans le privé. Il n'avait pas été poursuivi ? Non, c'est d'ailleurs assez étonnant, car embauché dans une entreprise qui expérimentait des métaux spéciaux, il a continué à transmettre des secrets de fabrication au service polonais. Son problème, à lui, c'était le jeu. Il fallait de l'argent, toujours plus d'argent pour rembourser ses dettes de jeu. Mmh. Donc, si je vous comprends bien, Mroz, enfin, tout au moins du point de vue de la DST, a été loyal. Apparemment, oui. Et pourquoi cette restriction ? Vous m'avez demandé mon avis tout à l'heure. Eh bien, franchement, j'ai encore quelques doutes. Et pourquoi alors ? Parce que si, en effet, Mroz a permis que soit démantelé le réseau Armand, il semble bien qu'il n'ait pas tout révélé à nos services. De quoi voulez-vous parler, là ? Il existait un autre réseau polonais en France, le réseau Béatrice. Et il était certainement plus dangereux que celui mis en place par Hermann Berthollet. Alors, si je vous suis bien, Mroz aurait pu donner le réseau Armand pour mieux protéger le réseau Béatrice ? Ah, ce n'est pas à exclure. Ouais. Alors, un mot sur Béatrice ? Béatrice, alias Joseph Bitonski, a été réellement démasqué en 1963, si je me souviens bien. 3 ans, donc, après la mort de Mroz. Oui, mais ça faisait un petit bout de temps que le contre-espionnage l'avait dans le collimateur. Et pourtant, Bitonski, titulaire de la Légion d'honneur, avait les plus belles références qu'on puisse imaginer. Ce Polonais était arrivé en France après la défaite de son pays devant les nazis. Mmh. Il s'est aussitôt engagé dans l'armée française, puis après la débâcle et l'armistice, il a rejoint les rangs de la résistance. Un parcours impeccable. Et après la guerre, il est resté en France. Comme Berthollet. Hein. Oui, mais il a gardé sa nationalité polonaise et il a animé la section française d'un parti politique, le PSL, Parti Paysan Polonais en Exil. Parti anticommuniste ? En principe, oui. Mais quand il se produit en Pologne à la faveur de la déstalinisation, un assouplissement du régime, il se rapproche de Varsovie, rompt avec le PSL et crée un nouveau parti, le Parti Paysan Populaire. En fait, il s'agit même, si ce n'est pas dit clairement, de rallier les nombreux émigrés polonais de France à la cause du régime communiste de Varsovie. Et c'est pour ça qu'on soupçonne Bitonski ? Pas seulement, non. Le chef de parti rencontre beaucoup de monde. Des hommes politiques, bien sûr, mais aussi des journalistes, des diplomates. En outre, il vit sur un grand pied. Et quand on finira par l'arrêter, on découvrira chez lui, comme chez Berthollet, tout un matériel d'espion. Bitonski était payé par les services polonais pour fournir des renseignements politiques, économiques et évidemment de discrètes informations sur la communauté polonaise de France. Mais pour reprendre votre idée, là, est-ce que Władysław Mróz connaissait l'existence de Bitonski, c'est-à-dire de Béatrice, là, du réseau Béatrice ? C'était probable. Mais voyez-vous, et pardonnez-moi si je vous donne l'impression de me contredire, plusieurs éléments plaident quand même en sa faveur. En faveur de la loyauté de Mróz ? Oui, je vais maintenant me faire l'avocat du diable. Le transfuge a d'abord fourni à la DST de précieuses informations sur les techniques utilisées par les services polonais, et plus généralement les services des pays de l'Est. Ouais, quel genre de techniques ? Oh, des techniques utilisées par les officiers traitants pour organiser sans risque des rencontres avec leurs agents, ou encore des ficelles permettant par exemple d'échapper aux filatures. Les policiers de la DST ont ainsi compris que les espions de l'Est avaient systématiquement repéré tous les bâtiments de Paris comportant une double entrée. Afin de couper une filature. Oui, car même lorsqu'au début de la filature, un policier est placé devant chaque entrée, si l'opération se renouvelle plusieurs fois, l'espion finit automatiquement par échapper à ses suiveurs. Par manque de suiveurs. Exactement, oui. Mróz a donc rendu de réels services. On ne peut pas le nier. Grâce à lui, la DST a enregistré de réels progrès dans sa lutte contre l'espionnage venu de l'Est. Le deuxième élément qui plaide en sa faveur, c'est malheureusement sa mort. Car il ne fait aucun doute que ce sont des tueurs des services polonais qui l'ont abattu. C'est donc qu'il représentait un véritable danger. Les Polonais n'auraient pas abattu un faux transfuge. Ça veut dire aussi qu'il a été trahi. Ou qu'il s'est trahi lui-même en se rendant à rendez-vous avec ses contacts de la DST. On peut aussi imaginer que les agents polonais avec lesquels il était toujours en contact se sont rendus compte qu'il était l'objet d'une surveillance. Mais justement, s'il était surveillé par la DST... ça voulait dire qu'il était ipso facto protégé. Oui, mais enfin, ce soir-là, il y a eu une défaillance. À moins qu'on ait estimé qu'on pouvait désormais lui faire confiance. Et qu'il n'avait plus besoin d'être surveillé. Oui. Je ne sais pas, moi, il s'agit tout de même d'une imprudence. Hein. Là, je suis d'accord avec vous. Enfin, il y a un dernier élément qui me fait penser que Władysław Mróz a été un transfuge de bonne foi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cet entretien. Le rideau de fumée. Oui, après sa mort. Hein. Oui, la presse, informée par la DST, a révélé que Mróz était à la tête d'un important réseau d'espions de l'Est qu'elle venait de démanteler. Et effectivement, il y a eu plusieurs arrestations. Mais on apprendra que bien plus tard, la plupart du temps, c'était du menu fretin ou même des gens qui n'avaient rien à voir avec le renseignement. D'ailleurs, ils bénéficieront presque tous de non-lieux. Alors, ça mérite une explication, ça. Toute l'opération était en fait destinée à intoxiquer les Polonais. Il fallait leur faire croire que Władysław Mróz n'avait jamais trahi et qu'il l'avait soupçonné et tué par erreur. Car l'objectif était de protéger le capital d'informations donné par le transfuge. Un capital qui n'avait pas encore été totalement exploité et dont les Polonais ne devaient pas connaître la richesse. D'où ce fameux rideau de fumée. Je vous l'ai dit, dans la presse, dans la littérature spécialisée, on parle peu de Mróz. Toutefois, j'ai trouvé dans le livre de Faligo et Krop consacré au SDEC et intitulé « La piscine », une relation intéressante des techniques utilisées par les espions de l'Est pour échapper aux filatures et qui ont peut-être été révélées aux agents français par Władysław Mróz. La première est assez amusante, mais elle ne pourrait pas être utilisée aujourd'hui puisqu'il n'existe plus de première classe dans le métro parisien. Elle mérite quand même d'être citée. Les Tchèques donnent du fil à retordre à la DST. Ils ont imaginé le coût de la première classe. Le résident du STB, le service secret tchèque, se déplace aux heures creuses. Il s'engouffre dans la station de métro La Motte-Piquet, à deux pas de l'ambassade, direction Gare d'Austerlitz, et choisit toujours le wagon du milieu en première classe. Pour le suivre, le fileur de la DST agit pareillement. Il est facile de dévisager les passagers peu nombreux l'après-midi. À la station Émile Zola, le Tchèque change de wagon pour monter en seconde. Qui, sinon un poursuivant, déciderait avec en poche un ticket de première de l'accompagner en seconde? La deuxième ficelle est encore plus vicieuse. Je cite à nouveau Faligo et Krop. À la même époque, à Prague, quand une voiture s'en rend trompe de l'ambassade française, elle bifurque à droite et, par malchance, le feu se met au rouge. En fait, un policier est chargé de commander manuellement le rouge dès qu'on lui annonce par radio qu'une automobile sort de l'ambassade de France. Ce ralentissement permet à la voiture du STB d'engager la filature. C'est le commandant Crignola du SDEC, on peut y aller, annonce rituellement le chef d'équipe, tandis que sa Volga Zis démarre sur les chapeaux de roue pour ne plus quitter le français. Il faudra des années au SDEC pour saisir l'astuce et diriger vers le fameux feu une voiture leur, tandis que ces hommes se faufilent à pied dans la direction opposée. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et même des programmes plus anciens.